C'est le nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse par terre. Ouais, pourtant partout on te parle, oui, d'une vie extraordinaire. C'est le nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse derrière. Pour ça, ils seraient prêts à t'entraîner à la guerre. Ouais, hey, c'est la guérilla. Trop de gens sont sans toi. Que fait-on pour ça? On les écoute pas. Hey, ça n'empêche qu'il faut les écouter, mon gars. Non, c'est pas l'État qui fera ça. Oh, oh, oh. Faut pas s'endormir, on reste au combat. Yo, big up pour tous les gens qui gardent la foi. Hey, il est temps de le chanter. Y'a que l'unité qui pourra nous faire gagner. C'est pour ça, man. Hey, c'est le nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse par terre. On laisse par terre. Et pourtant partout, man, on te parle d'une vie extraordinaire. Extraordinaire. C'est le nouveau millénaire. Nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse derrière. On laisse derrière. Ouais, man, je suis sûr qu'ils seraient prêts à t'entraîner au cimetière. Alors écoute ça, hey. C'est criminel de laisser des gens dans l'effroi. À croire que si tu n'y as pas goûté, man, tu n'y crois pas. Man, on peut tout changer, il ne manque rien pour ça. Juste du courage et mettre son esprit droit. Écoute ça, pour mettre à bas l'état. Juste quelques pas. Sans trop de dégâts, sans trop de débats. En arrière face à ces lois qu'on changera grâce à nos gars. Ça prendra tant qu'il faut, pas question de terminer car hola. Hey, big up pour tous les... C'est le nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse partir. Et pourtant partout, man, on te parle d'une vie extraordinaire. Extraordinaire. C'est le nouveau millénaire. Nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse derrière. On laisse derrière. Y'a, man, y'a trop de mensonges de la part de tout leur ministère. C'est pour ça, moi, je te dis, hey. Babylon Vampire croule sous le million. Le centre-ville est plat, craqué de vitrines de millions. Radio, télévision brille grâce aux millions. Hey, les multinationales roulent grâce aux millions. Alors, non, je ne veux pas de vos millions. Je veux juste qu'il y ait moins de cons. Un patron moins con et hop, là, v'là un million. Alors, s'il vous plaît, stoppons l'inflation. Lâchons la pression, laissons la révolution. La révolution, man, hey, c'est pour ça, hey. C'est le nouveau millénaire. Nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse par terre. On laisse par terre. Et pourtant partout, Babylone te parle d'une vie extraordinaire. Extraordinaire. C'est le nouveau millénaire. Nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse derrière. On laisse derrière. Oh oui, y a trop de mensonges de la part de tout leur ministère. Oh, lâche pas l'affaire pour tous les sœurs et frères. Non, c'est le nouveau millénaire. Nouveau millénaire. C'est le nouveau millénaire. Nouveau millénaire. Continuons nos chansons, nos prières, lâchons pas l'affaire. Pour toutes les familles massives sur la terre. Oh, oh, oh, oh, ouais. C'est le nouveau millénaire. Nouveau millénaire. Trop de gens qu'on laisse par terre. On laisse par terre. Et pourtant partout, oh, on te parle d'une vie extraordinaire. Extraordinaire. Yes, man. Watch out.